On va parler de Dynamophilie. Dernièrement, à Jonquière, il y avait le championnat canadien de Dynamophilie. Et quelle performance de William Veilleux qui a battu son propre record. Et en plus d'avoir battu son propre record, ben ça l'a octroyé un laissez-passer pour aller en Russie au championnat de Dynamophilie. Pour en parler, on va parler avec son père, qui lui aussi a fait une performance tout à fait exceptionnelle lors de ces championnats-là. Harold Veilleux, c'est là, Harold? Harold, toute une performance. Bon, on avait parlé avec Mario Roy, qui était son entraîneur au cours de la dernière année. Il m'avait dit, ce gars-là, ce jeune-là est fort. Mais avant de parler de ta performance, je vais parler de William un peu. Est-ce que c'était vraiment prévisible qu'elle allait battre son record à ces championnats-là? Oui, c'est ce qu'il visait, oui, parce que il y avait un bon adversaire de l'Ontario qui l'affrontait. Okay. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment aller le chercher au deadlift, au soulevé de terre. C'est le levé dans lequel William a le record canadien en ce moment, puis il est à quelques kilos du record mondial. Et monsieur, est-ce que ce serait accessible? Est-ce qu'on peut penser réellement au moins tomber dans les 5 premiers à ces championnats du monde-là? Moi, je te dirais là qu'en ce moment là, nous on a regardé un peu qu'est-ce qui se faisait en Europe et aux États-Unis. Okay. Son total de ces trois levées le met en ce moment dans les top 5. Oh. Puis un podium est facilement envisageable. C'est sûr que ça, tout se décide normalement sur une plateforme en powerlifting. Okay. Il peut arriver des petites erreurs techniques et tout ça. Mais si tout va comme ça va en ce moment, il est fort plausible que William aille chercher un podium au championnat du monde. Okay. Et même que la médaille d'or n'est pas hors de portée là, dans son cas. Wow! C'est vraiment exceptionnel. Ça se décide toujours sur un podium. Mais oui, c'est sûr. Mais là, est-ce que tu vois, ça fait 2-3 ans qu'il pratique vraiment, qu'on entend parler beaucoup. Est-ce que le sport progresse d'année en année? Parce que c'est un sport quand même qui est très, très jeune. Ça progresse, oui. Au Québec, il y a toujours une progression. Mais dans les provinces, au Canada, là, les provinces de l'Ontario et les provinces de l'Ouest, ça a une croissance qui est assez fulgurante. Là. OK. Pour te donner un exemple, cette année, là, au Saguenay, il y avait tout près de 400 leveurs. L'année passée, je pense qu'il y avait 420 leveurs en Saskatchewan. Ça a eu lieu en Regina, Saskatchewan. Il y a vraiment un engouement pour le sport depuis quelques années, effectivement. OK. Là, la préparation, elle se fait comment pour ces championnats du monde-là? C'est sûr que c'est Mario Roy était ton entraîneur. J'ai lu dernièrement qu'il quittait pour Québec. Est-ce que ça demande une préparation? C'est bien beau, tu dis top 5. Là, Mario quitte. Comment vous entraînez? Comment William se prépare pour ces championnats du monde-là? Là, William, en ce moment, fait partie de l'équipe Canada. OK. Puis, c'est sûr qu'il va avoir des entraîneurs qui vont le superviser. OK. Le seul club vraiment de powerlifting, de dynamophilie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est à Jonquière. Okay. En ce moment, William veut se déplacer quelques jours, une fois ou deux par semaine, pour aller s'entraîner dans ce club-là. Il va être suivi par quelqu'un. Mais ce qui est le fun pour lui, c'est qu'en ce moment, c'est le plus gros club. C'est un des plus gros clubs au Québec. Puis lui, le fait qu'il s'entraîne avec des personnes qui ont déjà fait des compétitions au niveau international, pour lui, là, il va chercher une petite expertise de plus. Qui fait que probablement qu'il risque de s'améliorer encore beaucoup. OK. C'est quoi sur quoi qu'on travaille? C'est pas juste sur la force. J'imagine que ça te prend. On pense tout le temps que la dysmophilie, c'est de la force, mais ça prendrait également. J'imagine que le cardio est aussi important. Hein. Non, c'est vraiment au niveau technique. Hein, OK, moment. OK. Des petites corrections, des petits détails techniques qui font qu'il peut encore améliorer son total. Il y a encore un 3 mois de préparation. Il peut encore améliorer son total. Son total a été de 583, là, si je me souviens. Là. Puis Puis lui, il vise vraiment le total de 600, là, ce qui, un total de 600, ça le met vraiment dans les meilleurs, dans les trois meilleurs au monde. Et ta barouette. On pense qu'il est capable d'aller chercher ça au squat. Il y a encore beaucoup de, il s'est beaucoup amélioré niveau bench press. Ok. Au squat, on sait qu'il y a encore, des petits, du progrès à faire au niveau technique, puis au niveau de ses entraînements. OK. Si on parlait maintenant de la logistique, aller en Russie, ça coûte des frais. On sait que c'est pas à côté. Comment on s'en, est-ce que la fédération t'aide là-dessus? Parce que j'ai justement reçu, nous, on a fait une demande, on a fait une application, puis justement reçu des courriels concernant ça. OK. On a eu des nouvelles concernant l'hôtel. On n'a pas encore eu de nouvelles concernant comment ça fonctionne au niveau du transport. On ne sait pas encore. On a commencé à faire les démarches au niveau du passeport. Oui, ça, c'est un gros projet. OK. Il y a toujours des petites levées de fonds, toujours de fait pour les athlètes de pointe. Est-ce que tu songes à faire ça de ce côté-là aussi? Oui, on est en train encore une fois de planifier ça. Il y a encore de fixer. On a des personnes à aller rencontrer. Okay. Et probablement, oui, que ça va demander à faire une campagne de financement. OK. La fédération, c'est un sport quand même relativement très jeune. Est-ce que d'abord, la dynamophilie, est-ce que c'est fédéré au Canada? Oui? Oui, la Fédération de dynamophilie du Québec. OK, OK. Puis c'est-tu un... Parce que les fédérations qui ont la plupart griffent de dauphin, est-ce que est-ce qu'ils t'aident quand même de ce côté-là? C'est sûr qu'ils vont nous aider un peu au niveau de la logistique, là, mais au niveau financier, là, pas vraiment. Non. OK. OK. Parce que c'est sûr, c'est pas facile non c'est plus. C'est sûr qu'eux, là, nous conseillent, vont nous guider vers les différentes étapes qu'on a à franchir pour se rendre là. OK. Donc, si on y allait maintenant avec... si on y allait avec toi, ça a quand même super bien été. Est-ce que c'est ça que tu visais? Très satisfait. Ouais, OK. Oui, je m'attendais à avoir à faire une belle performance. Je savais qu'il y a, la première position appartient également à un Québécois, Jacques Potvin de Grignan dans le coin de Rivière-du-Loup. OK. C'est un gars d'expérience qui a 5-6 il y a 7-8 ans d'expérience, puis c'est un adversaire coriace. Mais je suis content parce que j'ai commencé avec un très bon squat. Mais avoir eu mon troisième essai, j'aurais eu des chances de le battre. Mais je savais qu'il était comme qu'il allait être difficile à battre. Mais ma satisfaction vient du fait que je suis passé vraiment proche de la médaille d'or. Okay. Puis c'est comme partie remise pour moi. Ça m'a donné le coup, encore une fois, de chercher à améliorer. J'améliore mes totaux de compétition à compétition, puis je sens que je suis capable encore d'aller chercher. Y a-t-il pas mal de ta catégorie dans ce, qui sont au Canada actuellement? Oui, dans ton âge, 50 et plus. Ouais. Dans le 50 et plus, je dirais qu'on est peut-être là, des laveurs de calibre. Là. Il y a 5-6 au Canada. Là. Il y a 5-6 laveurs qui ont des Wilks de 400. Ça, un Wilks, c'est une formule qui évalue tes charges en fonction de ton poids. OK. Puis il y a 4-5 laveurs au Canada qui ont des Wilks de 400 et plus. Moi, je suis rendu à 387. J'aurais pu avoir eu mon dernier essai au squat. Je serais tout près de 397. Je m'approche également du 400. Donc, je m'approche là, dans les hauts niveaux. Là. Okay. Je suis content parce que moi, c'est l'objectif que je me fixe. Parce que lorsque je vais atteindre le wheel de 400, je vais vraiment être parmi les bons leveurs. Pour les néophytes de dynamophilie, c'est quoi la grosse différence entre l'haltérophilie et la dynamophilie? L'haltérophilie, c'est deux levées que ces levées-là sont levées au-dessus de nos bras. OK. Le powerlifting, c'est trois levées. C'est un levé qui est levé à partir en servant davantage la force de nos jambes, qui s'appelle le squat. On appelle aussi la flexion des jambes en français. OK. C'est un levé qui qui est faite à partir de la force de l'avantage de nos bras, un mouvement de poussée qui est couché. Ça s'appelle le bench press. Et un soulevé de terre, c'est qu'au lieu de lever la charge au-dessus de nos bras, on la lève jusqu'au hanches. Okay. Donc, c'est, techniquement, ça demande, c'est très différent. C'est un peu plus de force pure, brute, que l'haltérophilie qui demande un élément de vitesse, davantage de vitesse dans les techniques de levée. OK. Si on y allait maintenant avec ce qui s'en vient pour vous deux, là, William, c'est championnat du monde à court terme, toi également. Le fait que Mario Roy quitte pour Québec, ça va-tu changer de quoi? William est rendu d'un niveau là maintenant là, où que c'est ça a plus d'importance. Là. Il est rendu plus loin que ce que Mario lui donnait. Ben là, c'est sûr que le fait qu'il fait partie de l'équipe Canada, là, ça comme ouais. Ça fait que il en subira pas trop les contre-coups. Là. OK. C'est sûr que Mario Roy était quelqu'un de, au niveau de la programmation des entraînements, était quelqu'un de très fort. OK. C'est sûr que, comme en ce moment, il y a moi, il y a Rémi Dufour, là. Oui. On commence à être des leveurs d'expérience. Nous, on va être quand même capable de se débrouiller, là, de... Puis honnêtement, il y a une partie pour le fun. Là. On se contente pas d'histoire. Là. Je suis certain qu'à quelque part, c'est le plaisir. C'est pour le plaisir, le rôle que tu fais ça. Là. Ah oui, c'est sûr. Là. Moi, je veux dire, nous. Tu vois, tu penses pas les championnats du monde. On s'attend pas. Là, on s'attend pas, mais c'est le fun. Comme tu dis, il y a beaucoup de plaisir là-dedans. Ouais. Il y a toujours un défi à relever. Puis là, moi, puis Rémi, dans les catégories de maître 2, on a encore nos défis, mais. Au niveau provincial, puis même au niveau canadien. William, lui, a atteint l'étape du niveau international, là, mais c'est sûr que peu importe quelqu'un, si tu te mettais à t'entraîner, tu pourrais apprendre les techniques, puis à un moment donné, tu pourrais toi-même te créer ton propre défi. Mm, mm, mm. Puis le plaisir, c'est de travailler à essayer d'atteindre ce défi-là, l'objectif que tu... OK. Parlons de Rémi Dufour. Je devais l'avoir en entrevue. Tu m'avais dit Rémi également qui a brillé. C'est ton collègue. Parlons-en de ce qui s'est passé. Pour lui, est-ce que c'est une bonne performance? Est-ce que c'est... question un peu niaiseuse. C'est sûr que c'est une bonne performance, mais est-ce que c'est inattendait vraiment? Oui, Rémi. Ouais. Ben, c'est sûr que moi, je parle. Je n'ai pas son entraîneur. C'est un collègue. Rémi encore a bien performé, mais moi ce que je pense c'est que Rémi c'est quelqu'un qui peut en faire encore beaucoup. Il y a eu des problèmes au niveau des blessures de l'année dernière, ça okay. l'avait un petit peu ralenti, mais là il est en train vraiment de revenir. On va revoir le Rémi qu'on avait vu il y a 2-3 ans quand il avait fait les championnats canadiens. Il y a du gaz dans le tank encore beaucoup, Rémi. Là, puis je suis convaincu. Quel âge qu'il a? Il est quoi, 52, 53, Rémi? Oui, c'est ça. Il est dans la cinquantaine, début okay. cinquantaine. OK. Ben, Harold, félicitations. Les championnats du monde, c'est quoi? C'est en juin, c'est ça? Oui. William devrait lever le 18 juin. 18 juin, OK. C'est sur 2 semaines, du 14 au 24 juin, si ma mémoire est là. J'imagine que tu vas y aller aussi. Est-ce que tu vas... Je sais pas, ça tout encore une fois, il y a une question de budget, on va ouais. regarder ça. Je sais qu'il y a quelques amis des amis à William, de nos amis qu'on connaît dans le milieu, qui y vont aussi. Il y a 4 ou 5 Québécois qui vont y aller. OK. On ne sait pas encore comment ça va y aller, qui va y aller avec. OK. Donc bravo, puis on s'en reparle, on va se tenir au courant. Merci beaucoup. Harold Veilleux qui a remporté dernièrement une compétition de dynamophilie à Jean.